En chinois, qui se dit? Shei. Shei. Doigt bleu levé. Shei. Pour dire qui. Par une nuit noire, j'ai rencontré un chèque enivré qui m'a demandé Shei, qui es-tu? Comme nous venons de le voir pour qu'est-ce que c'est qui devient c'est quoi, qui est-il se dira il est qui. Il existe beaucoup de structures de ce type en chinois. En voici donc une autre, j'aime l'appeler la structure du remplacement. Parce que pour dire c'est quoi, c'est à l'endroit où se trouve le quoi que l'on donne la réponse, c'est un livre, c'est une télévision, etc. Donc, qui se met à la fin? Oui, dans ce cas précis, il est à la fin. Et c'est comme ma qui se met aussi à la fin. Oui, c'est ça. Donc, on a qui à la fin et ma aussi à la fin. Oui, exactement. C'est parfait. Et encore une fois, quand nous avons un interrogatif, nous n'avons pas besoin de ma. Maman, hein, mérite des vacances, elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc maintenant, comment dites-vous, qui est-il? Alors, il, ta, est, shi, qui, shi, qui est-il? Ta, shi, shi. Et maintenant, nous allons donner la réponse. Il est mon ami, et ami se placera à l'endroit où se trouve le qui. Donc, il, Ta est shi mon wo de ami peng you c'est mon ami. Ta shi wo de peng you. Et maintenant dites-moi, c'est mon professeur également. Ou encore, il est aussi mon professeur. Il. Ta. Également ou aussi. Yé. Est mon professeur. Shi. Wo. De. La. Shi. Comment dites-vous je? Wo. Comment dites-vous mon? Wo. De. Comment dites-vous professeur? Lao shi. Lao shi. C'est mon professeur également. Ta ye shi wo de lao shi. Comment direz-vous qui est-elle? On dit littéralement elle est qui. Donc on commence par elle. Ta est shi qui shi qui est-elle ta shi shi c'est mon épouse elle ta est shi mon épouse wo de tai tai. C'est mon épouse. Ta shi wo de tai tai. Et maintenant, dites-moi, ton épouse est-elle anglaise? Ni de tai tai shi ying guo ren. Et le mot interrogatif? Ma. Ton épouse est-elle anglaise? Ni de tai tai shi ying guo ren ma? Non, elle est française. Bu shi. Ta shi fa. Fa guo ren. Comment dites-vous pays? Guo. Guo. C'est guo avec le doigt bleu levé. Et comment dites-vous France? Fa guo. Oui, fa guo. Non, elle est française. Bu shi. Ta shi fa guo ren. Maintenant, traduisez la question « Qui est-ce ?» Littéralement, « Ce est qui ?» Zhe shi shi. Qui est-ce ? Zhe shi shi. Qu'est-ce que c'est ? Ou encore, « Ceci est quoi ?» Zhe shi shenme. Qu'est-ce que c'est ? Zhe shi shenme. Qu'est-ce que c'est ? Littéralement, cela est quoi ? De. Comment dites-vous cela ? Na. Na shi shenme. Comment dites-vous quoi ? Shenme. Attention, c'est shenme. Shenme. Oui, shenme. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est? Na shi shenme. Qu'est-ce que c'est? Na shi shenme.